Bonjour, bienvenue sur le 118-008, page jaune. Que puis-je faire pour vous ? Oui, bonjour. J'aurais aimé un renseignement, l'adresse de Monsieur Vanneau. Un renseignement. Une adresse, Monsieur Vanneau. Oui. V-A... V-A-N-A-U-L-T. A-U-L-T. Oui.